Jérémie chapitre 17. Le péché de Judas est écrit avec un burin d'acier de fer, et avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur, et aux cornes de leurs autels, de sorte que leurs fils se souviendront de leurs autels et de leurs bocages auprès des arbres verdoyants sur les hautes collines. Montagnards, je livrerai par les champs tes richesses, et tous tes trésors au pillage, tes hauts lieux sont pleins de péchés dans toutes tes contrées. Et toi, et ceux qui sont avec toi, vous laisserez vacant l'héritage que je t'avais donné, et je ferai que tu seras asservi à tes ennemis, dans un pays que tu ne connais point, parce que vous avez allumé le feu en ma colère, et il brûlera à toujours. Ainsi a dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Car il sera comme la bruyère en une lande, et il ne s'apercevra point quand le bien sera venu, mais il demeurera au désert en des lieux secs, en une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et duquel l'Éternel est la confiance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante, quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra point, et sa feuille sera verdoyante, il ne sera point en peine en l'année de la sécheresse, et ne cessera point de porter du fruit. Le cœur est rusé, et désespérément malin par-dessus toute chose, qui le connaîtra? Je suis l'Éternel, qui sonde le cœur, et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie, et selon le fruit de ses actions. Celui qui acquiert des richesses, sans observer la justice, est une perdrix qui couve ce qu'elle n'a point pondu, il les laissera au milieu de ses jours, et à la fin il sera trouvé insensé. Le lieu de notre sanctuaire est un trône de gloire, un lieu haut et élevé dès le commencement. Éternel, qui est la tente d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux, ceux qui se détournent de moi, seront écrits en la terre, parce qu'ils ont délaissé la source des eaux vives, l'Éternel. Éternel, guéris-moi, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Voici, ceux-ci me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle vienne présentement. Mais je ne me suis point avancé plus qu'un pasteur après toi, et je n'ai point désiré le jour de l'extrême affliction, tu le sais, et ce qui est sorti de tes lèvres, a été devant toi. Ne me sois point en effroi, tu es ma retraite au jour du mal. Que ceux qui me persécutent soient honteux, mais que je ne sois point honteux, qu'ils soient épouvantés, mais que je ne sois point épouvanté, amène sur eux le jour du mal, et les accable d'une double plaie. Ainsi m'a dit l'Éternel, va, et tiens-toi debout à la porte des enfants du peuple, par laquelle les rois de Juda entrent, et par laquelle ils sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Et leur dit, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous tous, hommes de Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi a dit l'Éternel, prenez garde à vos âmes, et ne portez aucun fardeau le jour du sabbat, et ne les faites point passer par les portes de Jérusalem. Et ne tirez point hors de vos maisons, aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucune œuvre, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme j'ai commandé à vos pères. Mais ils n'ont point écouté, et n'ont point incliné leur oreille, mais ils ont raidi leur cou, pour ne point écouter, et pour ne recevoir point d'instruction. Il arrivera donc, si vous m'écoutez attentivement, dit l'Éternel, pour ne faire passer aucun fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, et si vous sanctifiez le jour du sabbat, tellement que vous ne fassiez aucune œuvre en ce jour-là. Que les rois et les principaux, ceux qui sont assis sur le trône de David, montés sur des chariots et sur des chevaux, eux et les principaux d'entre eux, les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem, entreront par les portes de cette ville, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra aussi des villes de Juda, et des environs de Jérusalem, et du pays de Benjamin, et de la campagne, et des montagnes, et de vers le midi, et on apportera des holocaustes, des sacrifices, des oblations et de l'encens, on apportera aussi des sacrifices d'action de grâce en la maison de l'Éternel. Mais si vous ne m'écoutez point pour sanctifier le jour du sabbat, et pour ne porter aucun fardeau, et n'en faire entrer aucun par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, je mettrai le feu à ses portes, il consumera les palais de Jérusalem, et ne sera point éteint.